Aujourd'hui, le chancelier de l'Allemagne a trouvé une place en Chine. Il prend des mesures pour suivre son appel. Il déjà s'agit que les entreprises communes à l'Allemagne ne peuvent pas incentiver dans leur pays en Chine incorrectement. Ils se trouvent dans une place inconnue. Ils savaient d'accompagner avec les agents d'une fonte pour accélérer le contrat.